Dictée culturelle, chapitre 4. This is our first dictation for chapter 4. Your job is to write down exactly what I say. I will be dictating 6 sentences. I will do it very slowly and repeat them as needed. Write down what you hear. Ready? 1. Voilà mon étudiant favori. Voilà mon étudiant favori. 2. Il est grand et mince. Il est grand et mince. 3. Il travaille beaucoup. 4. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. 5. Be careful, it's a long one, so I'm going to do this in section. D'habitude, il porte un t-shirt confortable. Virgule, that's comma. D'habitude, il porte un t-shirt confortable. Virgule. Un nouveau jean chic. Un nouveau jean chic. Et des tennis propres bon marché. Et des tennis propres bon marché. Je répète la phrase 5. D'habitude, il porte un t-shirt confortable, virgule, un nouveau jean chic et des tennis propres bon marché. And here is our last one. 6. À la maison, virgule, il fait toujours ses devoirs. À la maison, virgule, il fait toujours ses devoirs. Et quelquefois, les courses. Et quelquefois, les courses. Point. That's period. I repeat that sentence. À la maison, virgule, il fait toujours ses devoirs et quelquefois les courses. Point. Next one. Il voudrait être cadre. Point. Il voudrait être cadre. Point. Il est super, non? Il est super, non? And that's a wrap for the description. Merci et à demain.